C'est pas pour rire même si on se marre, parce que si on le fait pas nous-mêmes, personne s'en donnera la peine. Nous on n'aime pas dénoncer, sauf les flics et les PDG. Non on n'aime pas dénoncer. On est des pédales, scandale, vandale. On est des PD, prénom inventé, pronom inversé. Toujours honnête avec la clique, toujours mytho avec les flics, toujours honnête avec la mif, toujours mytho avec le fisc. Harnais sur cul bien huilé pour entretenir la passion, hypocritement dimanché pour berner les institutions. Y'a pas de mystère, faut saboter. Faut saboter. Oh baby sex, baby suck, baby leak, baby come. Oh baby sex, baby suck, baby leak, baby come. On est des pédales, scandale. Et sur radiodio.org. C'est pour mes suceurs. C'est pour vous, mes suceurs. C'est pour mes suceurs. C'est pour qui? Celle-là, c'est pour mes suceurs. Ouais, toi aussi, là. Pour mes Dylan, pour mes Beuteux, pour mes Chibrax, pour mes trans, PD Queen. Je ne tends pas l'autre joue, je tends mon cul, camarade. Nous sommes des milliers, des millions, partout, à avoir été nommés de ces quatre lettres qui font trembler le sol. PD. Nous sommes PD. Nous dire PD raconte bien plus de choses que le simple fait d'aimer les hommes, parce qu'il ne s'agit pas que d'amour, justement. En ramenant sans cesse nos vécus à des enjeux sentimentaux, de l'ordre du privé et à de simples histoires interpersonnelles, on désamorce la force critique et la dimension politique que portent nos expériences et nos cultures. On lisse nos identités en les saupoudrant d'un amour duveteux, calqué sur le modèle cis-hétérosexuel. On nous modèle pour ne pas effrayer, pour nous contrôler. Extrait de l'avant-propos du livre des PD, un livre collectif sorti cette année aux éditions Point. Bonsoir, nous sommes le lundi 9 octobre, il est un peu plus de 20h30 et vous êtes en direct sur Radio Dio 89.5 à Saint-Étienne ou en streaming sur radiodio.org dans l'émission de PD, Pédale Scandale. À partir de maintenant, nous ne nous retrouverons plus le jeudi soir, mais le deuxième lundi du mois, de 20h30 à 22h. On vous l'a déjà dit dans nos précédentes émissions, dans Pédale Scandale, nous sommes des PD. Nous nous réapproprions cette insulte. C'est ce qui nous relie autour de ces micros, notre identité commune, une des communautés à laquelle on se sent appartenir. Et c'est très important pour nous. Mais PD ou PD.E, qu'est-ce que ça veut dire être PD? Qu'est-ce qu'elle représente cette identité pour nous? Est-ce qu'elle est uniquement liée à notre orientation sexuelle et au fait d'aimer les garçons? A-t-elle aussi un lien avec notre identité de genre? Est-ce seulement une identité concept avec lequel on n'est pas très à l'aise d'ailleurs? Qu'est-ce qu'on partage ou pas avec la communauté gay? En voilà des questions qui reviennent très souvent dans nos longues conversations entre PD et que nous avions déjà un petit peu abordées dans notre première émission. Les retours qu'on a eus nous ont donné envie de creuser un peu plus cette question. Et comme souvent, c'est parti dans la liste des émissions à venir, dans un coin de nos têtes. Et puis au printemps dernier, j'ai reçu la brochure « Les licornes existent et ont la rage », manuel d'autodéfense contre la biphobie dans le milieu TPBG. Dans cette brochure, un passage au moins m'a fait bondir. Je vous le lis. Ce serait ok de se dire 100% PD tout en couchant avec des meufs trans, alors qu'en fait, c'est pas mal transphobe. À celles qui rétorqueraient que PD est plus une identité de genre qu'une orientation sexuelle, on aimerait bien que vous essayiez de tirer toutes les ficelles de votre raisonnement, de comment ça vient invisibiliser le genre des personnes trans avec qui vous couchez. Alors nous, pédale 6 et trans, transfemme et transmasque, on n'est pas du tout d'accord avec ça. Ça nous questionne beaucoup. Déjà, qui êtes-vous, rédactrice de cette brochure, pour nous dire qui est légitime ou non à se définir PD, alors que vous ne semblez pas vous-même vous retrouver dans cette identité, que vous ne semblez pas fréquenter ces espaces de PD-étude. Ces espaces de PD-étude, ils sont divers et fort heureusement. Nous nous retrouvons autour de cette identité politique de PD avec des vécus différents, de PD6, de transmasque, de pédale, de folle, et surtout pas mal de meufs trans qui enrichissent ces espaces et les font vivre depuis de nombreuses années. Parmi nous et autour de nous, il y a fort heureusement beaucoup de meufs transpédales avec qui nous partageons cette communauté PD. Pour nous, être PD, ça dépasse complètement la question de avec qui on baise, mais c'est des fois complexe à retranscrire. Alors on a été encore une fois interroger nos camarades pédales sur cette question de c'est quoi pour toi être PD ? Est-ce que ça dépasse ton orientation sexuelle ? Cette émission, on s'est bien arraché les cheveux pour qu'elle existe. Elle a été reportée pour cause de Covid. Puis, avec la pause de l'été, elle nous a amenés à des discussions entre nous et avec nos amis, pas que simples, mais toujours enrichissantes. Alors, on est bien content qu'elle existe, on espère qu'elle amènera encore à plein de discussions entre pédales. Bienvenue aussi à la nouvelle pédale qui vient de rejoindre notre crew de Fabuleuse Tafiole. Et encore une fois, merci à tous les potes qui nous ont envoyé leurs contributions, leurs réflexions et toutes les discussions partagées qui font bouger, avancer notre pensée politique. Pédale Scandale, c'est aussi vous. Sans vous, Pédale Scandale n'existerait pas. Bisous et bonne écoute. Voilà, j'ai les archives du web sous les yeux et il y a une toute petite phrase très courte que j'avais envie de partager. Pour nous, être PD n'est pas lié qu'à une orientation sexuelle. C'est une position politique face à un système d'oppression. Et du coup, ça a été écrit en 2013 dans un tout petit texte qui sert à poser le cadre politique des rencontres au tout début des web. J'utilise le terme de PD comme une identité politique. Se réapproprier et revendiquer cette insulte, c'est une façon d'affirmer politiquement une identité sexuelle hors de la norme hétérosexuelle. Mais ça exprime, pour moi aussi, autre chose qu'une simple orientation sexuelle ou une sexualité. C'est en partie une façon de se positionner par rapport à une oppression subie, même si une identité ne résume pas l'entièreté d'une personne et de ses idées. Si ce mot est utilisé aussi par d'autres personnes qui n'y mettent pas les mêmes significations, pour moi, c'est aussi une manière de se différencier de l'identité gay. Celle-ci renvoie en effet à une dimension commerciale et à une aspiration à l'assimilation et à l'intégration dans cette société. Une aspiration à la normalité qui passe par la revendication d'égalité et des mêmes droits que les hétéros et à une recherche de reconnaissance sociale par l'argent et la capacité de consommation. C'était un extrait de PD et Féminisme. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis une femme trans et un PD. C'est ni une question ni un sujet de thèse, c'est juste un fait. Donc, il n'y a pas grand-chose à développer. Juste pour illustrer un peu, moi, j'ai l'impression que c'est un peu comme d'avoir une chambre d'hôtel, je ne sais pas si vous voyez, où il y a la porte là, que tu peux ouvrir et qui te permet d'accéder à la chambre d'à côté. Et du coup, il y aurait une chambre trans et une chambre PD. Et puis, il y aurait cette porte que moi, j'ai laissée ouverte entre les deux. Et du coup, j'ai un grand espace trans-PD. Il y a quand même un truc particulier dans la chambre PD, c'est que c'est une chambre où j'ai pas du tout décidé d'aller. C'est une chambre où on m'a mise de force, avec beaucoup de violence à la base. Et c'est une chambre qui était vraiment dégueulasse au début, genre pleine de cafards, de rats, qui puaient la mort, avec de l'eau qui suinte, et un lit, s'il y en avait un, sur lequel vraiment t'as pas envie de t'asseoir. Bref, la chambre PD. Et du coup, bah, tu peux décider de te battre pour t'enfuir et jamais revenir dans cette chambre. Ou tu peux décider d'y rester. Ou juste, en fait, tu finis par y habiter. Parce que de toute façon, chaque fois que tu essaies d'en sortir, on te ferme. Et puis, tu te rends compte peut-être que cette chambre peut-être te correspond, mais pas dans cet état. Et c'est là que commence la deuxième partie pour être PD. C'est que ben, c'est beaucoup de travail, en fait, pour transformer cette chambre pourrie en un truc sympa dans lequel tu vas pouvoir vivre. Et c'est pas un travail que tu vas faire seul, à mon avis. C'est un travail collectif, en groupe. Et ça, c'est le truc dont je suis à la fois très fière et surtout admirative. C'est quand je vais dans les espaces PD, les vrais, pas les métaphoriques, de voir à quel point on a réussi à faire des espaces incroyables, intelligents, où il se passe des choses, enfin, je sais pas, créatives, et qui vont bien au-delà de juste des histoires de coucher ensemble. C'est-à-dire, c'est pas, pour moi, c'est très différent des bars gays, par exemple. Les espaces PD, c'est des espaces où il se passe des choses politiques, il se passe des choses au niveau social. Il y a du soin qu'on a les uns pour les autres, qui sont très particuliers. Et il y a de l'attention à l'autre, en fait. Il y a évidemment des vécus similaires parfois et aussi une attention à nos différences. Enfin, et vraiment de manière hyper créative et hyper intelligente. Donc ça c'est pour moi, c'est hyper important, c'est à quel point on est toutes et tous des alchimistes, des sorcières. Enfin, comment on arrive à transformer ce truc qu'on nous a donné de force et qui était bien merdique en un joyau de ouf, quoi. Et après, il y a donc cette question quand même, parce que ça, c'est un truc qu'on n'est pas les seuls à l'avoir fait, évidemment. Il y a cette question d'orientation sexuelle. Alors moi, déjà, l'orientation sexuelle, ça m'emmerde. Cette espèce de chemin au milieu de la forêt, où en gros, c'est un chemin super chiant, hyper droit, avec deux directions. Tu vas d'un côté ou de l'autre. Et puis surtout, tu ne vas pas aller dans la forêt voir les coins un peu sympas. Non, non, tu vas rester là. Et tu peux choisir entre homme et femme. Et en plus, homme-femme, quand on parle d'orientation sexuelle, en réalité, on parle d'homme cis et de femme cis. Et donc, en tant que personne trans, ben, tu dois essayer de t'assimiler à un des deux côtés le plus possible. Tu ne vas même pas créer une nouvelle voie, quoi, en réalité. Et donc, tu vas de nouveau te diriger dans une des deux directions. Ben, si tu refuses de faire ça, en fait, ce qui se passe, c'est que tu es un peu perdu dans la forêt, finalement. Ben, moi, je préfère être perdu dans la forêt plutôt que sur le sentier. C'est là, de toute façon, qu'il y a les meilleurs coins pour faire du cruising. Mais on ne peut pas non plus faire complètement comme si le chemin n'existait pas. Il est là et on est un peu obligé de gérer avec. Donc, moi, je me rends compte que j'ai été PD bien avant d'avoir une orientation sexuelle. Ce qui montre bien que, oui, il y a un lien, mais c'est pas non plus que ça. Quand j'avais 8-10 ans, j'étais déjà pédée. On m'avait mis dans cette case. Et en fait, c'était tellement tout le temps, tout le temps, tout le temps, que j'avais déjà un peu décidé que c'était ma case et que c'était chez moi, quoi. Donc, à l'époque, j'avais pas du tout d'orientation sexuelle. C'est vraiment des choses qui sont connectées, mais pas du tout assimilable à 100%. Et il me semble qu'en fait, bah voilà, en ce moment, on se pose ces questions sur le fait de coucher spécifiquement avec des personnes trans. Et finalement, bah oui, ça pose des questions et c'est des nouveaux paradigmes. Mais tant mieux, ça veut dire qu'on prend en compte des nouvelles choses et qu'avant, on ne se posait même pas ces questions. Donc finalement, PD... Moi, c'est mon vécu, voilà, bon. Enfin, je me demande, est-ce que le mot est trop vieux et il faut peut-être le laisser de côté, j'en sais rien. Ou, au contraire, ben, c'est un mot qui a des synonymes, homosexuel, gay, etc. Et il se trouve que, justement, ben, les synonymes, c'est pas des mots qui veulent dire exactement la même chose. C'est des mots qui parlent un peu de la même chose, mais il y a des nuances, en réalité. C'est pas tout à fait pareil. Donc, puisque homosexuel, ça existe, bah, peut-être profitons-en pour mieux définir et rendre PD un peu plus aiguisé et un peu plus modulable pour rendre compte de nos vécus, parce que ce soit PD ou pas, en tout cas, il y a besoin d'un terme pour parler de cette expérience de vie spécifique. Voilà. Et juste pour finir, moi, dernièrement, j'ai vécu un truc génial, un truc justement PD, un truc beaucoup plus PD que toutes les fois où j'ai pu sucer des mecs, etc. On revenait de manif avec un groupe de copains et voilà, on était des PD, des trans, des lesbiennes, tout ça mélangé. Et c'était super joyeux et on a pris le métro, qui pour moi est un espace où je me suis beaucoup fait agresser. Et en fait, on s'est mis à chanter dans le métro, mais vraiment en gueulant. Et c'était génial, en fait. Enfin, de vivre, de se déployer et de se réapproprier cet espace public. Voilà, d'avoir le droit d'exister là-dedans. Et pour moi, à ce moment-là, enfin, j'ai vraiment l'impression qu'on était tous à la fois lesbiennes, gwyn, PD, gay, ou, enfin, tous ces mots mélangés. Mais peut-être très précisément, en fait, on était gwyn, trans, PD, tous en même temps et tout à la fois. Et ça c'était vraiment extraordinaire. Laissez passer les petits pédés et leurs copines, les grosses gouines, et toutes les trans qui mènent la danse, et les bi aussi. Now I'm the one with the bag, they called me bitch. Now look who famous and rich, they threw their stones. And now they begging for loans, they threw their sticks. And now they riding my dick, they called me fag. Now I'm the one with the bag, they called me bitch. Now look who famous and rich, they threw their stones. And now they begging for loans, they threw their sticks. And now they riding my dick. They called me sissy, they called me prissy, they call me missy when I'm strutting with the limpy wristy. My haters busy, throwing a hissy, no pot to pissy while I chilly with my millie on the Forbes listy. Breakfast at Tiffy, they ass kissy, they washy bushy boo boo kitty with they bullshit, tell them they can miss me. My haters dizzy, my money Disney, Maguire Lizzie, so don't roll up to my Izzy, I'm through like a frisbee. They called me fag, now I'm the one with the bag, they called me bitch. Now look who famous and rich, they threw their stones. And now they begging for loans, they threw their sticks. And now they riding my dick, they called me fag. Now I'm the one with the bag, they called me bitch. Now look who famous and rich, they threw their stones. And now they begging for loans, they threw their sticks. And now they riding my dick. This shit is gaggy, not to be braggy, but yeah, I'm living in that mansion with that rainbow flaggy. They want my picture, they wanna tag me, they tried to drag me, now I'm making millions and I'm doing it in draggy. Cause I'm the one, I'm the one, I'm the one, I'm the one, I'm the one. I'm that bitch, I'm that bitch, I'm that bitch, I'm that bitch, I'm that bitch. And I know that I know that I know that I know that I know. I'm the shit, I'm the shit, I'm the shit. But they used to call me fag. Now I'm the one with the bag, they called me bitch. Now look who famous and rich, they threw their stones. And now they begging for loans, they threw their sticks. And now they riding my dick, they called me fag. Now I'm the one with the bag, they called me bitch. Now look who famous and rich, they threw their stones. And now they begging for loans, they threw their sticks. And now they riding my dick. Ooh, where are you now, haters speak up. None of them bullies could keep up. Now it is you, I don't feature. Looks like I won, yeah, I beat ya. Now you need me, I don't need ya. No, I will not come and meet ya. Now I just blast on this speaker. I'm on the beach and the pizza. Honestly, now they deliver my pizza. They called me fag, now I'm the one with the bag. They called me bitch, now look who famous and rich. They threw their stones, and now they begging for loans. They threw their sticks, and now they riding my dick. They called me fag, now I'm the one with the bag. They called me bitch, now look who famous and rich. They threw their stones, and now they begging for loans. They threw their sticks, and now they riding my dick. This fag rich, they swag poor. They ain't calling me fag no more. Now they slide in my DMs when they see me on TV. Piss me with that fuckery. Vous êtes toujours en direct sur Radio Duo 89.5 dans Pédale Scandale. Et je crois qu'il y avait des personnes qui avaient envie de réagir à ce qu'on a entendu jusque-là. Ouais, moi je voulais réagir en fait parce que déjà moi aussi par rapport au témoignage qu'on a entendu après, c'est vrai qu'en fait moi aussi petit, c'était un truc qu'on m'a assigné en fait d'être PD. J'étais pas tout à fait un vrai mec, j'adorais jouer à la marelle, j'adorais faire de la corde à sauter, jouer avec les filles, mettre du rouge à lèvres de ma mère. Donc du coup, j'étais pas un vrai mec, mais j'étais pas tout à fait une vraie fille non plus, quoi. J'étais cette espèce de chose intermédiaire, le PD, alors que j'avais même pas encore eu l'idée de sucer la bite des mecs, quoi, tu vois. Donc du coup, c'est un truc, on m'a imposé cette identité de PD avant même que je la choisisse. C'est pour ça que quand dans l'extrait là que tu lisais tout à l'heure sur les licornes, là, quand ils te disent que non, c'est pas une identité de genre être PD, si, elle est clairement définie par la société, en fait. Parce qu'on nous l'impose au début, et avant qu'on la choisisse, moi aussi, il a fallu que je rencontre des gens qui se définissent comme PD pour pouvoir accepter ma PD-itude, quoi. Voilà, c'est tout un tas de trucs comme ça que j'avais, enfin, qui me font réagir. Moi aussi, cette phrase, elle me fait bondir, quoi. Ben ouais, puis moi j'ai l'impression que ça, ben, enfin, comment dire, que ça rebondit sur plein de réflexions qu'il y a en ce moment, mais que en fait, ça a été quand même, que c'est devenu un peu une évidence, par exemple, que les lesbiennes ne sont pas des femmes, car tout le monde a bien lu ces livres, et que en fait, ça met vraiment des plombes à capter ce truc de les PD sont pas des hommes, en fait, enfin, que en tout cas il y a un vrai truc à réfléchir autour de ça, et que je sais pas si c'est vraiment, s'il faut mettre le terme identité de genre, mais qu'en tout cas il y a vraiment un truc qui se joue de cet ordre-là, de un des premiers trucs qui fait que tu reçois cette insulte, c'est dévier des normes de genre de être un garçon, plus que finalement les questions de pour qui t'as du désir, quoi. On va revenir un peu maintenant sur cette question d'orientation sexuelle et des identités qui se créent autour de ça. Et vous allez voir que nous ne sommes pas tous et toutes d'accord, loin de là. Du coup, on va écouter deux petits témoignages qui nous ont été envoyés par deux camarades, et puis on revient après en discuter. Alors moi, je ne sais pas ce qu'il en est pour les PD, mais plutôt ce que vous avez écrit là, moi, ça m'a fait écho chez les Gwyn. Il y a deux trucs. Il y a beaucoup de Gwyn qui se disent Gwyn et qui couchent avec des mecs trans. Et elles couchent pas avec des meufs trans, elles couchent avec des mecs trans. Et puis avec d'autres Gwyn. Et ben, d'une part, enfin, et moi-même, hein, quand j'étais Gwyn, avant de transitionner, j'ai fait ça. Hein. Je me suis dit Gwyn et j'ai couché avec des mecs trans. Et je sais pas comment justifier ça. Avec un grand discours politique, je ne sais plus. Mais en tout cas, maintenant, quand j'entends des Gwyn dire qu'elles sont Gwyn et qu'elles couchent avec des mecs trans, et ben en fait, la plupart du temps, quand je pose des questions un peu, on se retrouve, ça finit par je suis attirée par les corps, entre guillemets, féminins. Je suis attirée par les seins, je suis attirée par les chattes, j'y peux rien, c'est comme ça. Bon, donc ça, si c'est pas transphobe, je sais pas ce que c'est, quoi. Première chose. Et deuxième chose, moi, je suis bi. Et la biphobie et l'invisibilisation des bi me sort par les trous de nez. Et je trouve que c'est une hypocrisie finie d'être une Gwyn, de te dire Gwyn, de coucher, que la moitié de tes partenaires soient des mecs trans, avec des gueules de mecs, enfin voilà, des mecs trans, quoi. Je pense que c'est d'une hypocrisie sans nom, et je pense qu'en fait, meuf, tu es bi. Voilà. Donc, mon humble point de vue s'arrêtera là, je pense. Coucou. Bon, moi, j'ai plein de trucs à dire sur votre thème, mais je vais dire un petit peu, et puis quand ce sera trop long, je vais m'arrêter. En fait, jusqu'à il n'y a pas hyper longtemps, moi, j'ai un peu fait partie de ces personnes-là qui ont besoin que les catégories elles soient bien définies et qu'on utilise les mots avec un sens précis et qu'il n'y ait pas de déviation par rapport à ça. Genre, par exemple, j'étais trop choqué et trop énervé à chaque fois que j'entendais parler d'un espace Gwyn où il y a des gars trans et des personnes transmasculines. Parce que ben moi, je suis un gars trans et je suis PD. Et en fait, ben, ça me renvoyait que toutes les personnes qui sont là-bas considèrent pas vraiment les gars trans comme des gars, etc., etc. Et en fait, ben, ça me prenait vraiment la tête d'essayer de justifier par de l'argumentaire que en fait c'est transphobe de être gouine et de sortir avec un gars trans, etc. Pourquoi tu dis pas plutôt que t'es bi? Et en fait, à côté de ça, je fréquentais des espaces PD où il y a plein de personnes transfemmes et transmeufs qui ont commencé à venir. Et c'était trop bien. Enfin, et ça m'a jamais posé question, et j'ai jamais interrogé. Et je pense, en vrai, il y a un moment où j'ai juste dû accepter que ma vision, elle était hyper biaisée, et que là où ça crispait pour moi, bah, en fait, c'était de la crispation perso. Et qu'en fait, ben, je comprends ce qui se passe dans les espaces PD parce que c'est comme à la maison pour moi. En fait, j'ai de l'affect, j'ai beaucoup d'affection pour ces endroits-là. Je me sens à l'aise avec les personnes qui viennent. Il y a un peu un principe que les personnes qui viennent, a priori, c'est qu'elles y ont leur place et qu'elles y trouvent quelque chose qui est cohérent pour elles dans leur vie. Alors que ben, les espaces Gwyn, c'est pas les miens. Je comprends pas pourquoi il y a des gars trans qui y vont. J'ai pas du tout de vécu en commun avec eux. À part peut-être le fait de transitionner, et encore, on se voit de manière tellement différente avec certaines personnes. Et en fait, à un moment, j'ai dû acter que, en vrai, c'est pas mes oignons. Je crois que je comprends pas, et c'est pas grave, j'ai pas besoin de comprendre, à partir du moment où je leur fous la paix et que je les laisse vivre leur vie. Je pense, en fait, il y a plein de gens qui trouvent un épanouissement qui est hyper important. Il y a plein de gens qui ont besoin d'avoir des zones de flou, des zones où, ben, peut-être dans les termes, on a l'impression qu'il y a un paradoxe, mais en fait, dans leur vie, ça fait sens et c'est logique. Et je pense que si je peux comprendre ça avec toutes les copines qui viennent dans des espaces PD, ben, je peux le comprendre pour tout le monde. Et du coup, je me suis un petit peu forcé à me sortir les doigts du cul et arrêter de rager sur ces trucs. Parce qu'en plus, c'est même pas mes oignons. Enfin, j'irai jamais là-bas. Du coup, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Voilà, ça c'est un peu le premier truc auquel ça me fait penser. Toutes ces histoires-là de, en fait, comment on définit, c'est quoi une orientation sexuelle, l'identité de genre, machin. Et qu'il faut être bien carré dans les termes, bah, je sais pas. Je pense, en vrai, hyper souvent, je suis dans des réseaux où on reconnaît bien qu'en fait, la plupart des termes qu'on utilise, ils sont pas assez larges, ou alors ils veulent dire des trucs trop différents pour toutes les personnes qui les utilisent, et du coup, ça fait plus aucun sens. Ou alors, on en invente des nouveaux qui nous ressemblent plus, mais en fait, il n'y a pas tout le monde qui utilise les mêmes, et en fait, ça fait des conflits générationnels. On met pas les mêmes choses derrière les mots, enfin, en fait, on passe notre temps à essayer de déconstruire des trucs de langage et en même temps à essayer de les renforcer et de renforcer des trucs de catégorie. Et j'ai l'impression qu'au final, dans des moments où on se voit en vrai, dans des rencontres ou dans des ateliers ou même en informel dans les groupes de potes, ce serait un peu difficile de définir qu'est-ce qui fait qu'on a un groupe de pédales et ça marche bien et ça a une cohérence dans le groupe qui on est. Parce que c'est un truc de feeling et c'est un truc qui est du commun sur plein de trucs qui sont pas vraiment possibles à lister. Et du coup, bah, je sais pas, pour moi, ça fait qu'au final, quand on définit c'est qui les pédales, bah, on se retrouve à faire des espèces de listes non exhaustives de plein de types d'expériences de vie qui, en fait, plutôt ont leur place ici, quoi. Et vous êtes toujours sur Radio Dio 89.5 ou sur radiodio.org dans l'émission Pédale Scandale, où on échange, on discute, on se questionne autour de qu'est-ce que c'est qu'être PD. Et on vient d'avoir un petit aperçu avec les deux derniers témoignages que ben, c'est clairement pas unanime comme réponse à cette question. Et du coup, est-ce qu'on se pose un peu la question en studio ou des petites réactions en tout cas par rapport aux deux derniers témoignages? Personne, pas de réaction. Bon, je sais pas. Moi, je suis pas venu à la préparation de l'émission, c'est abusé. Du coup, genre, je sais pas. J'avais pas réfléchi, mais quand même. Moi, j'ai l'impression que sur ce truc de. Pour moi, c'est pas une orientation sexuelle, être PD. Pareil, c'est vraiment sur des réflexions récentes de. En fait, on dirait qu'il y a un petit moment où il y a eu un petit impensé et un petit raté sur. C'est quoi la vie des personnes qui veulent relationner entre gars ou entre personnes qui sont identifiées comme des gars, et que en fait il y a une espèce de ben d'endroit où la honte elle est vraiment très très grande, et du coup je trouve ça va avec le fait de se réapproprier une insulte qui est vraiment hyper vénère, et je sais pas, moi je crois que c'est ça qui me fait sens, et du coup ça me fait aussi penser à cet extrait de PD Féminisme où ça parle de se différencier de l'identité gay. Moi, je crois que, entre autres, depuis une émission de Pédale Scandale où on a écouté le témoignage de la personne qui vient juste de parler, ça m'a fait tilt sur des trucs que finalement ça m'intéresse plus tellement pour ça, et entre autres parce que je pense qu'il y a des enjeux de classe et de race et de tout un tas d'autres trucs. En fait, c'est quand même être sacrément privilégié dans la vie de pouvoir se permettre de se revendiquer grave pété dans tout un tas d'espaces et tout. Mais que moi, finalement, c'est plus dans les espaces féministes, militants, queer, LGBT, que j'ai l'impression que j'y trouve un sens dans ce truc-là de il y a un impensé autour de tout un tas de vécus qui ont, je pense, été un peu zappés à un moment, parce que je sais pas, tout le monde s'est persuadé que l'homophobie ça existait plus parce qu'il y a eu mariage pour tous, ou je sais pas trop quoi. Ouais, et moi je crois qu'aussi que, en fait, on peut pas complètement calquer ce qui se passe pour les meufs trans dans les espaces PD, et du coup, personne qui relationne avec des meufs trans dans les espaces PD à ce qui se passe pour les mecs trans chez les Gwyn. Je pense on peut pas tout calquer et même si oui, effectivement, je trouve de la même manière, les meufs trans qui continuent à venir dans les espaces PD, c'est des personnes qui ont été dans ces espaces depuis nombreuses années et toujours, et qui n'ont pas beaucoup d'espaces non plus où elles peuvent se sentir bien. Et alors que, bon, je veux dire, même si moi, en tant que mec trans, oui, je me suis construit dans les milieux féministes et du coup entouré de Gwyn, mais je veux dire, je continue quand même à pouvoir y aller. Alors, ouais, moi, je relationne plus avec des Gwyn aujourd'hui, et ça me saoule que, enfin, à des moments aussi, comment ça s'y passe, mais je pense qu'on, ouais, en tout cas, c'est pour dire que je trouve qu'on peut pas vraiment comparer. Voilà. Je vais juste faire une petite astérix par rapport à ce que tu viens de dire sur le fait que les meufs trans, elles ont potentiellement pu être dans les espaces PD depuis longtemps, ou pas aussi, parce que la transition peut emmener une pédéitude qu'on vivait pas ou qu'on se laissait pas la place de vivre avant. Mais je pense que ça, c'est des choses dont on va parler un peu plus tard. Mais du coup, enfin, je tiens à rappeler juste sur ces expériences de PD qu'on a vraiment des expériences qui sont très nombreuses et qui sont vraiment pas les mêmes. Et aussi ce que tu racontais tout à l'heure, moi je trouve qu'il y a quelque chose pour moi dans mon parcours de PD, mais pareil, on y reviendra un peu plus tard, qui est vraiment très important. Et peu importe que je sois une meuf trans ou pas, je pense que si je n'ai pas transitionné, ce serait pareil, c'est cette honte de la pédalerie. Cette honte, c'est aussi, enfin, tu vois, c'est souvent que le PD, il est assimilé à l'enculé, en fait, aussi. Et enfin, ça fait une double insulte, en fait. Dans le PD, il y a toujours une double insulte, en fait. Et alors qu'en fait, c'est très bon de se faire enculer, déjà, de une. Soyons honnêtes. Sinon, on le ferait pas. Et de deux, en fait, il y a pas, enfin, il faut expier cette honte, en fait, quelle qu'elle soit. Et ça, enfin, c'est souvent quand on te dit PD, moi, je me fais traiter de PD dans la rue, je regarde les gens, je leur fais oui, et alors ? Et souvent, ils te disent « Ah, mais j'aime pas ça. » Mais gars, c'est ton problème, en fait. C'est pas le mien, en fait. Que t'aimes pas ça, ben... Voilà. Il n'y a pas de honte à avoir, en tout cas, pour les auditeurs qui nous écoutent. C'est clair. Et est-ce que là-dessus, on n'enchaînerait pas sur un autre témoignage qu'une copine nous a envoyé ? Merci à elle. Je suis une meuf trans et j'ai un passé de trave placard. Là, en ce moment, je suis une petite meuf anxieuse, isolée et pute, qui ose pas trop sortir et qui se remet à baiser des PD pour changer des clients, et pour me réconcilier avec mon passé de trave, et avec le mot PD. L'environnement PD que j'ai connu, c'est la rubrique rencontre de Viva Street. Je suis vieille, putain, si tu connais pas, en gros, c'est où annonce. Avant, j'osais pas aller dans des bars gays à cause de trois trucs. La peur que ça m'out, l'homophobie, folophobie intériorisée, et la peur intense de comprendre qu'en fait, je ne suis pas un mec. Je fuyais aussi les pédales flamboyantes publiques et tout ce qui pouvait menacer mon placard, qui était bancal mais bien chaud et confo. Me réconcilier avec le mot PD, ça a été long. C'est pas mon orientation sexuelle, ni mon genre. C'est comment les gens peuvent me lire, les mots qu'ils mettent sur moi ou peuvent mettre, ceux qu'ils ont réussi à imprimer au fond de mon ventre. C'est des stigmates, le dégoût et la honte qui restaient gravés dans moi quand j'avais du cul avec un mec. C'est le mot de la conclusion du tribunal des 6-7 après avoir délibéré. Je me suis habitué à la drague cash et rapide, les conversations en consonne, les dick pics, les rencontres dans la rue ou au seuil de la porte avec la peur au ventre, à me faire baiser par des daddies actifs, virils, qui ont peur, qui me dominent en m'insultant, me claquant le cul, me giflant ou me contraignant sans m'avoir demandé, qui pleurent et me culpabilisent pour enlever la capote parce qu'avec, on ne sent rien, puis dégagent en se rhabillant rapidement après avoir joui, avec une odeur dégueulasse de honte et de dégoût de nous-mêmes. C'est le côté PD de ma socialisation de meuf trans. Des pédés choux, j'ai pas eu l'occasion d'en voir beaucoup. Là où j'étais, je les croisais pas. Là, maintenant, mon passing commence à être enfin bon. Ça me demande encore du travail en soi, mais on peut me connaître personnellement et ne pas savoir que j'ai une bite. C'est avec certains partenaires de sexe que je vis ce mot PD. Certains médecins, clients ou des gens qui me cloquent. Sinon, plutôt, je me dis Gwyn. Entre femmes, des fois, on se sent pédale. D'autres fois, on se sent Gwyn. Des fois, les deux. Des fois, c'est des Gwyn 6 qui me font me sentir pédé dans un sens pas agréable. D'autres fois, c'est des femboys à momie chou qui me font sentir Gwyn. Des fois, c'est d'autres Gwyn 6 qui me font me sentir femme, belle et terriblement Gwyn. Des fois, c'est des traves, des pédé femmes, des transmasques qui me font sentir pédé dans un sens chouette. Ces deux mots, j'y tiens. J'ai un peu peur de quitter la case pédé en me sentant aller à petit dans une autre case de meuf trans que j'appelle monstre. Chimère dénaturée qui trompe la société, ou prédatrice qui maquille son corps pour mieux tromper ses victimes, ou encore pauvre victime fragile des vilains clichés sexistes qui a mutilé son corps pour se tromper elle-même. Plus je me rapproche du silicone et du scalpel, plus je ressens ce mot, plus j'ai peur d'être poussé dehors par les PD. J'ai l'impression que monstre, c'est quand il n'y a plus de retour possible, du moins du point de vue des 6. Des fois, j'entends même des trans reprocher à d'autres d'être trop refaites. Ça me met en colère. J'ai l'impression qu'il y met un mécanisme un peu pareil avec les mecs trans, sans le côté transmisogynie du coup, qui ont peur de devenir trop masque pour plaire encore aux Gwyn. Je dis pédé et pédale avec mes potes pour digérer la violence de ces mots qui m'ont réduite au silence toute ma vie. Se sentir puissante et les recracher à la gueule des 6. Je dis gay avec des prolos qui ont pas le luxe de faire un master en sociaux, ni le temps de poncer les brochures d'un art. Je baisse des pédés pour me réconcilier avec ma sexualité passée qui était violente, nulle et craignos. J'ai envie de baiser avec les pédés choux, qui respectent le consentement et qui baissent bien. Il y a un truc un peu thérapeutique à ça, je trouve. Dans mon métier, la plupart des clients sont des hétérocurieux qui fétichisent les meufs trans et qui insistent bien pour dire qu'ils sont pas pédés. C'est chaque fois un peu plus lourd pour moi, parce que oui, d'accord, ça vient d'un mec de plus perdu dans la matrice 6-7 qui essaye de se rassurer pour ne pas trop menacer son monde, ses sécurités à lui. Mais pour faire ça, il a besoin de me traiter poliment de pédé, nier mon genre, mon vécu de meuf. Je suis hétéro, mais j'ai envie d'essayer avec un trans. T'inquiète, chaton, moi j'aime pas baiser les bourgeois. J'ai fait le tour, ils sont fades et savent rien faire avec mon corps, mais j'ai besoin de thunes. Avec les pédé 6, c'est différent. Des fois, ils me demandent ce que ça me fait de les baiser alors que je suis une meuf, et ça me fait du bien de pouvoir leur en parler. Je trouve ça super doux et guérissant plutôt que de centrer la question sur eux. S'ils doivent m'inclure ou pas, s'ils se sentent menacés dans leur sexualité par mon genre, que je doive les rassurer et faire du soin pour eux avec l'impression d'être sali là-dedans. On me pose la question à moi, et on se demande comment moi, je me sens par rapport à ça. Donc ça fait un an ou deux que je me réconcilie tranquillement avec mon passé de PD. Je suis sorti de cette phase post-coming out où je me suis identifié très très meuf, très très féminine et binaire, à mettre un max de sécurité où je pouvais, avec la méfiance envers tous les mecs cis hétéros, pédés. J'étais encore très très naïve sur les AFAB. C'était ma stratégie de survie au début, ça m'a évité encore plus de merde qu'on m'en a fait à ce moment-là, mais avec les années, je baisse lentement les barrières pour voir où je peux me sentir plus à l'aise. En vrai, pour trouver des mots pour définir ma sexualité, je suis perdu. Au point où je me dis que ça a pas trop de sens de chercher des mots ou d'essayer de comprendre comment moi, en tant que trans, j'entre ou pas dans les cases. En fait, depuis que je suis out en tant que meuf, que les gens discutent de m'accepter ou pas dans leurs cases, c'est mon quotidien. Du coup voilà, moi je me sens Gwyn dans mes envies romantiques et sexuelles parce que je suis attirée par les personnes femmes et je suis femme. Des crushs trans femmes, traves, pédales femmes. Et PD, c'est plus mon background, mon vécu, même si c'est encore des pratiques que j'ai aujourd'hui et de temps en temps, j'aime bien baiser des PD virils. Je me sens PD quand les non-PD me blasent, tellement ils sont fleurs bleues, ne connaissent pas mon corps, n'osent rien faire ni rien dire. En plus de l'écart de classe. Les meufs cis se plaignent que les mecs trouvent pas leur clito. Moi, le mien est des fois plus gros et ils savent pas quoi en foutre. Pareil pour la prostate. Je me sens pédé quand j'ai besoin d'un coup de rein, d'une vraie tapette bien solide qui sait où aller et pas d'un hétéro fragile. Baiser des pédés, pour moi, ça menace ni mon genre ni mon orientation sexuelle. Je me sens pédé quand je baise avec d'autres pédés qui galèrent avec les mêmes hontes, les mêmes stigmates, les mêmes peurs ou qui ont eu des expériences un peu similaires. Je me sens pédé quand on s'enflamme entre pédales avec qui on se sent fraîche. J'avoue que j'ai renoncé à essayer de comprendre où je suis. Parce que je me sens fraîche, mais je comprends rien à pourquoi les corps et les gens m'excitent, que je me sens vieillir du haut de nos espérances de vie pourries et de nos rythmes de vie éclatés au sol comparés aux six. Je connais la puissance de mes orgasmes, mais je les compte tellement ils sont rares, tellement c'est compliqué de se draguer et se pécho entre TPG. Je suis plutôt sereine en tant que Gwyn PD. Je sens bien que je suis la grande méchante menace transsexuelle. On montre que ces cases, elles sont perméables, que le concept de sexualité, comme de genre, c'est des choses qu'on construit et qu'on maîtrise pas trop, qui bougent et qu'on ravistole avec ce qu'on a. Peut-être on se plante à des endroits, mais on essaye de comprendre comment on peut, et au final, quand on a chaud au cul et que quelqu'une nous donne chaud au cul, je suis saoulé de s'interdire de se toucher et se sentir offusqué, insulté ou menacé dans nos sexualités et nos genres, juste parce qu'on se sent pas dans la même case. Oh oui, belle pédale, viens me baiser. Parce qu'avant ma transition, c'était beaucoup plus dur que ça arrive, et que j'en avais trop honte pour pouvoir en profiter. Parce que si, accessoirement, je suis une meuf par souci de tranquillité relative dans la rue, Je suis avant tout trans, Gwyn et PD. En fait, c'est plutôt ça mon genre. Parce que dans ma vie, les amitiés que j'ai sont entre trans, pédal et Gwyn. Ma culture est trans, pédé, Gwyn. Mes partages d'affection, c'est entre trans, pédal et Gwyn. Quand je fais du cul, en dehors du taf, c'est avec des trans, des pédales et des Gwyn. Les hétéros ne m'attirent pas. Certains PD6, oui. Les hétéras ne m'attirent pas. Certaines Gwyn 6, si. Et beaucoup de trannies et de trans en tout genre m'attirent. Ce n'est pas uniquement par plaisir de vous emmêler les pinceaux que je dis ça comme ça, même si ça fait partie de mes petites joies de la vie de vous perdre. Derrière, il y a un réel vécu. PD, je l'ai été avant de transitionner. Mais avec tellement de honte que j'ai baisé qu'avec trois gars, que ça s'est super mal passé parce que la honte me rattrapait dès que l'excitation redescendait un petit peu et que je me suis comporté comme une grosse merde avec eux à cause de cette même honte. Et je parle uniquement de baiser parce que c'est tout ce qu'on a fait. N'envisageant à aucun moment une quelconque autre forme de relation dans ces quelques minutes, heures qu'on volait la vie hétéro. À cette même période, je me suis perdu sur Viva Street, les dernières années de son existence, fantasmant du cul avec les gars, les traves et les trans qui avaient des profils dessus. Ayant peur du faux plan, de l'arnaque ou du guet-apens, sachant que la matérialisation de ces fantasmes serait compliquée puisque j'étais coincé dans ma campagne. Le peu de personnes que j'ai finalement contactées étaient des travailleurs du sexe. Et même s'ils me proposaient des réductions au vu de mon jeune âge, encore merci à eux pour leur proposition à ce moment-là, je n'avais clairement pas les moyens de les payer pour explorer cette partie de ma sexualité dans le secret professionnel de futurs collègues. Et puis, ayant moins honte d'être une meuf qu'un PD, j'ai transitionné. Je ne dis pas que ma transition a été exempte de honte, loin de là, c'était juste plus acceptable pour moi. Enfin, à l'époque où je m'imaginais transitionner rapidement, passant vite pour une meuf cis en ne restant pas dans la case « trave » trop longtemps. Revendiquant fort ma place au Gwynistan qui me confortait dans ce nouveau genre choisi, laissant derrière moi mon genre de lait. Avec le temps, les années à lutter pour exister, à se battre contre la honte, à retourner les stigmates les uns après les autres, à avoir repris le suçage de bite pour améliorer matériellement mon quotidien cette fois-ci, et aussi pour m'autoriser à baiser avec des gars, j'ai fini par me réapproprier le mot PD, pédale et tous les dérivés. Et au-delà des mots, j'ai fini par avoir envie de les mettre en pratique, toute meuf que je sois devenue. Mais je crois qu'il y a une autre facette à prendre en compte. Parce qu'en soi, je pourrais baiser avec des hétéros si je veux juste baiser avec des gars. Mais c'est un poil plus complexe. En ayant le vécu que j'ai, de pédale placard, de transfemme qui a grandi avec tant de honte, de tranny qui a peur dans l'espace public, de pute qui n'arrivera jamais à faire un autre métier parce qu'on me demanderait de n'être ce que je ne suis pas et que j'en suis plus capable, c'est que j'ai besoin de personnes qui comprennent ce que je vis, autrement que théoriquement. Des personnes à qui je n'ai pas besoin d'expliquer tout ça. Des personnes avec qui on va rigoler fort en sachant ce qu'il y a derrière, avec qui on va donner l'impression au monde autour qu'on assume qui on est et qu'on est au-dessus de tout ça, avec qui on va enflammer les dance floors en laissant les hétéros hagards hors de notre monde qu'on se crée à ce moment-là. Des personnes avec qui, dans l'intime, on sait que le monde nous a roulé dessus, mais qu'on est là pour s'aimer, au moins quelques heures. Qu'on a traversé déjà tant, et que ce n'est pas fini. Une personne qui sait que nos larmes qui sortent sont le cadeau de notre confiance. Une personne qui est la vanne du barrage qu'on a érigé pour se protéger du monde extérieur. Et cette personne, c'est pas un hétéro. Cette personne, pour moi, c'est une pédale. Une personne à qui l'on demande d'être forte, solide, hétéro, à qui on impose de rester de marbre, impassible, sans émotion et qui préfère embrasser le stigmate du PD, faire voler en éclats ses injonctions et vivre pleinement. Alors oui, je suis une meuf pédale, et les PD avec qui je baise me confortent dans mon genre, qui elles soient cis ou trans, transfemme ou transmasque. Et oui, c'est avec vous, très chère pédale, que j'ai envie de continuer de me faire baiser, de vous baiser, de vivre, de jouir et de défoncer ce monde de merde. I think I was- was about 12 years old when I heard the word fag for the first time. I was 9 years old when I first heard the word fag, and then I heard it in Spanish, maricón. The word tepet, the French version of fag, is something I was called even before fag. I was about 9 years old, and I remember having no idea what it meant, but remember being scared by it because it was this really weird, aggressive word. You know, I never thought that I would ever reclaim the word, to be honest, because I heard it so much in my childhood. I felt like I could live a really good life without ever hearing it again. Now when I hear the word, it means beauty, a strength, defiance. They used to call me fag. They used to call me. They used to call me fag. They used to call me. They used to call me fag. They used to call me. They used to call me fag. So I put my sex away. I put my sex away. I put my sex away. So I put my sex away. I put my sex away. I put my sex away. I'm a fag for you. They made my life a drag. They made my life. They made my life a drag. They made my life. They made my life a drag. I'm a fag, I'm a fag. They made my life. I'm a fag, I'm a fag. They made my life a drag. I'm a fag, I'm a fag. They made my life. I'm a fag. One of the things I love about the word fag is that it's our word. It was a word that was used to hurt us and hurt me, but now it belongs to me. I love taking it back. I love creating queerness automatically when you say it. When I hear fag, I think of faggotry, fabulosity, amazingness, freedom, life, glitter, pussy, wet pussy, love. I hear all the things. I'm a fag for you. I'm a fag for you. Young fags and faggots and faggotries out there. Live your freaking full fag life. Let them eat it, honey. salut les camarades. Alors, oui, effectivement, la question qui serait PD est plus une identité de genre qu'une orientation sexuelle, ça peut être la question. C'est d'y réfléchir et c'est pas facile parce qu'en fait, quand j'essaie de définir c'est quoi PD comme genre ou identité de genre, en fait, je me rends compte qu'il y a plein de similitudes avec la gayness. Mais cependant, il y a en fait le fait d'être gay. Et du coup, c'était un truc un peu curieux de se dire, en fait, pourtant, moi, je me sens pas du tout proche des gays. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai plein de communautés de vécu, genre le mal-être petit, rapport aux filles quand on est petit, ou rapport aux darons. Enfin, il y a tout un truc, ou rapport professionnel avec les filles, etc. Du coup, j'essaie de plutôt tirer des filles, de définir c'est quoi être gay, et du coup, une sorte de genre. Et en fait, et en même temps, j'ai toujours remarqué que moi, avec les gays, je me sentais hyper à côté. Je me suis jamais réussi à m'intégrer dans la communauté gay. J'ai toujours trouvé bizarre. Et eux aussi m'ont toujours trouvé bizarre. C'est-à-dire qu'en fait, eux se reconnaissent pas en moi, je me reconnais pas en eux, même si on a des pratiques sexuelles similaires. Mais après, pour créer du lien, en fait, effectivement, non. Et, ou en tout cas, il y a une limite très forte qui dépasse, qui a du mal à dépasser la question sexuelle. Et j'ai clairement l'impression de baiser avec des PD quand je baise avec des PD et avec des gays quand je baise avec des gays. Enfin, en tout cas, c'est une autre question peut-être. Et du coup, je me suis dit que finalement, un genre fixé à un construit culturel, il faudrait essayer de réfléchir qu'est-ce que ce serait être PD dans sa définition de genre, d'identité de genre. Je sais, c'est pas très clair pour moi, du coup, je dis peut-être un peu n'importe quoi. Mais je pensais ce truc de un désir de sororité très fort avec les copines, des réflexions individuelles assez poussées sur les questions de masculinité, l'élargissement de la pédétude à toutes ces celles qui se définissent ainsi, un désir fort de non-intégration dans le cadre hétéronormatif capitaliste, donc sentiment fort de non-reconnaissance des identités de genre dominantes. Moi, j'ai l'impression que de nombreux PD AMAB ne se reconnaissent pas dans le cisgenreisme dans lequel ils sont assignés, et pas non plus dans l'identité gay. Des PD qui ne se reconnaissent pas dans le genre ni masculin ni féminin, mais d'une sorte de circulation, une position autre, un endroit spécifique au PD qui rend leur intégration au modèle dominant très difficile, comme le font de nombreux gays de s'intégrer. Et en fait, j'ai l'impression aussi qu'il y a ce truc de... que les PD tiennent en fait à ce qu'ils soient reconnus en tant que PD, et rien que ça, ça signifie quelque chose après qu'on puisse penser à un travail collectif et de décider de définir plus précisément. Ben moi, j'ai l'impression que c'est déjà la base de dire qu'en fait c'est un identité de genre parce que on en vit qu'elle soit reconnue, mais on a du mal à la définir. Voilà, je sais pas si c'était clair, mais I love you, bisous. Alors j'avais bien envie de rebondir sur ce que vient de dire le camarade PD et que je trouve grave intéressant. Pour moi, effectivement, et depuis longtemps, cette identité PD, alors que j'ai construit, hein, c'est pas venu comme ça d'un coup d'un seul, mais cette identité PD est d'abord une identité de genre, et pour moi c'est une identité de genre avant d'être une identité politique, et pour moi c'est parce que c'est une identité de genre que ça en fait une identité politique. Je vois bien qu'on peut réfléchir la question tout à fait différemment. Moi, comment j'en suis venu là, c'est quand même assez simple de comment j'ai tricoté ça. C'est que je me fais traiter de PD depuis longtemps et depuis très tôt. Et le sous-entendu, c'est que je ne suis pas un homme. Ah, t'es un PD, t'es pas un homme. Alors j'ai réglé la question personnellement en me disant d'accord, je serai pas un homme, je serai un PD. Donc je vais essayer et j'essaye de faire pas comme les hommes, essayer de faire autrement. Essayer de me décaler des attendus de la masculinité, des attendus de la domination masculine et de la solidarité masculine. Et en fait, ce que je suis en tant que PD dépasse le simple fait de sucer des bites, et ce que je suis dépasse mon identité individuelle, ce que je suis en tant que PD dépasse mon identité individuelle, puisque c'est une identité qui s'inscrit dans une histoire, collective, d'infériorisation par le système dominant cis-hétéropatriarcal. C'est une identité qui s'inscrit dans une histoire de lutte et de décalage, dans une histoire de subversion et de sabotage de l'hétérosexualité et de la famille. Et c'est une identité qui s'inscrit dans une histoire de création et de fabrique de familles autres que familles de sang, de fabrique et de création de solidarité, d'amour et d'amitié. Et ce que je suis aujourd'hui, en 2023, pour moi, cette identité PD, elle provient directement à la fois des militants PD des années 70, du féminisme troisième vague, de tout ce qui se réfléchit aux UEH, des militants séropositifs des années 80-90 et des exemples de vie et de lutte des personnes trans. Donc c'est comme si voilà, l'identité que je peux vivre aujourd'hui, en fait, je la dois aussi à des personnes qui ont tracé des chemins et ces chemins à partir desquels moi je peux tracer le mien ou nous pouvons tracer les nôtres ou le nôtre. Voilà. Et donc pour moi, pratiquement, même si c'est tout à fait questionnable, hein, je m'en rends bien compte, mais pratiquement, c'est comme si, un peu si j'étais plus vraiment une personne cisgenre. Même si je suis clairement une personne cisgenre, je remets pas en question le genre qu'on m'a assigné à la naissance, mais finalement en tant que PD, je suis plus tout à fait une personne cisgenre puisque je ne correspond pas aux attendus du genre homme, aux attendus de la masculinité binaire. Et puisque je suis une espèce de rhizome, tu vois, comme un rhizome d'iris ou ces plantes qui poussent avec des racines horizontales et un peu bizarres, qui poussent un peu dans tous les sens, un rhizome qui provient des influences que je viens de citer. Et du coup, parce que c'est une identité qui est construite à partir de plein d'influences, c'est pour moi aussi une identité que je peux partager avec avec des personnes qui ont un parcours tout à fait différent du mien et qui arriveraient à cette identité par un autre chemin que moi. Et donc partager cette identité avec des personnes qui ne sont pas comme moi, quand même un garçon cisgenre avec une bite, etc., etc. Voilà, j'espère que c'est un petit peu clair. En tout cas, je trouve que la question, elle est difficile, et c'est pas facile d'y répondre, mais elle est grave intéressante, et j'ai hâte d'entendre toutes vos contributions pour continuer de réfléchir et continuer de construire nos identités. Merci Pédale Scandale, à vous les studios. Voilà, vous écoutez Pédale Scandale donc sur Radio Dio 89.5 à Saint-Étienne ou sur radiodio.org. Déjà merci à tous les copains et copines qui ont bien voulu témoigner pour l'émission et vous retrouverez toute la playlist que vous avez entendue aujourd'hui sur l'onglet Pédale Scandale sur Radio Dio. Alors maintenant je vais vous lire la fin de l'extrait de PD et Féminisme. Pour finir, j'ai envie de partager quelques considérations autour du fait de me définir PD. Comme j'ai essayé de le montrer dans ce texte, le fait de subir une oppression n'amène pas forcément à la conscience de ce qu'on subit, ni à la volonté de lutter contre. Ça ne laisse pas non plus présupposer des formes et des perspectives d'une potentielle révolte. Une certaine condition commune n'est pas suffisante à elle seule pour créer des complicités et des affinités. Déjà parce qu'une condition ne dit pas quel est ton rapport à cela, ni ce que tu veux en faire de cette condition. Aussi parce que ça touche seulement à un aspect de nous-mêmes et de notre rapport au monde, et que donc notre vision politique du monde ne peut pas se réduire et n'être façonnée que par un seul aspect de ce qui nous constitue. Et enfin parce que nous sommes et ce par quoi nous sommes animés ne se réduit pas à des rapports sociaux de domination et à nos places là-dedans. Ceci dit, pour moi, l'identité PD ne désigne pas seulement une condition sociale, une orientation sexuelle ou les termes de ma sexualité. C'est une identité politique qui exprime aussi en partie une certaine façon de me positionner par rapport à l'oppression que je subis. Cela dépasse une simple condition d'opprimé et ça implique aussi un rapport politique à la norme hétérosexuelle et à la société qui la produit et qui en tire profit. PD exprime le refus de m'intégrer dans une société qui voudrait nous imposer avec qui nous devons baiser, où vivre nos amours et à quoi nous devrions ressembler et nous conformer. Ça reste donc important pour moi de me définir comme PD. Mais je suis aussi autre chose que PD. Ce qui me rebute, ce n'est pas seulement l'oppression que je subis, mais l'existence même des rapports de domination, exploitation, oppression, quels qu'ils soient. J'aspire à la liberté pour toutes et tous. Je suis conscient que nous ne serons pas vraiment libres tant que d'autres rapports de domination, exploitation, oppression existeront dans notre société. C'est pour cela que je vois du sens à lutter contre tous, et non seulement contre celui et ceux que je subis. Je continue de penser que les non-mixités sont nécessaires et importantes. Je continue à chercher et à nourrir des complicités avec d'autres PD, à construire et à faire vivre des espaces et des dynamiques politiques entre PD. Mais c'est dans le partage d'un certain vécu social et aussi d'éthique politique que je peux trouver des complicités et affinités plus profondes. Cette exigence qui se précise et s'affine dans mon parcours est accompagnée par un fort sentiment d'isolement. Le constat de la rareté et de ces rencontres est donc par la difficulté à trouver et à imaginer des perspectives et des dynamiques de lutte dans lesquelles je peux exister entièrement. Quelqu'un disait dans les années 70, « Vous dites que la société doit intégrer les homosexuels. Moi, je dis que les homosexuels doivent désintégrer la société. » Avis de recherche à bon entendeur. Mustache. He wears a trench coat. He's got a mustache. He wears black tights. He writes poetry. He wears white lipstick under his mustache. He's got a roller coaster haircut. He dyes it jet black. But his hair is really brown. Just like his mustache. He wants to be a mother's kid. But with a mustache. He's a fucking art bag. He's got a mustache! Et on vient d'écouter Annal Kant de Artfag. Et on arrive tranquillement sur la fin de cette émission de Pédale Scandale qui est sur Radio Dio 89.5. On voulait revenir juste pour conclure un peu cette émission. On voulait quand même repréciser que nous, l'équipe de Pédale Scandale, on ne détient pas la vérité. On n'a pas le monopole sur les personnes qui se retrouvent dans l'identité de PD. Et plutôt, entre les témoignages qu'on a reçus et nous, les propos qu'on a pu apporter, c'est plutôt des propos de personnes qui sont dans nos milieux PD affinitaires, PD anarchistes, féministes, anticapitalistes, etc. Et pour plusieurs d'entre eux qui se retrouvent autour des web, les week-end PD, qui sont des très chouettes rencontres auxquels on participe un peu régulièrement. Et puis bon, ça va, on a avec tout ce qu'on dit, on a quand même des sujets qu'on a pas peu abordés et qui restent des questions, et notamment on se questionne pas mal sur la comment les espaces PD ils évoluent, comment de plus en plus dans les espaces queer féministes, il y a une mode de se dire PD ou pédale, mais que dans ces mêmes espaces, il y a un rejet de toute forme de masculinité, qu'elles viennent des PD non trans, des PD transmasques, des mecs trans, des meufs trans, etc. Voilà, du coup, c'est des choses... Peut-être qu'on en fera d'autres émissions plus tard, à voir. Mais en tout cas, c'est des choses sur lesquelles on a envie de continuer de réfléchir sur les dynamiques communautaires. Et puis enfin, quand même, on aimerait bien terminer avec une grosse dédicace à tous les traves, parce que les PD, ça a été ça et c'est toujours aussi elles. Et il y en a qui transitionnent, d'autres pas. Et elles sont nos amies. Ça arrive qu'elles soient nos amantes, souvent, suivant les personnes. Et puis surtout, c'est nos camarades pédales. On vous souhaite une belle soirée, une belle écoute de ce dernier morceau. Oh. jetteriez vos femmes pour partir avec moi. Secret, et vos haines étouffées. Je suis le sexe démystifié. Je suis la violence.